Les nouvelles des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Les homepages internet de la bibliothèque Kim Jong-il et du Cercle de la jeunesse du Tché de l'Équateur ont informé de son inspection du commandement des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Au Népal, le journal Arfan et les homepages internet de l'Association des journalistes d'études des études du Tché et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié avec la Corée on fait part de son inspection de l'Institut des matières chimiques de l'Académie de la Défense nationale. Les journaux russes Rosskaya Gazeta et Kommersant, les homepages internet russes Patrioty Moskova et la République populaire démocratique de Corée d'aujourd'hui, les homepages internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, les homepages internet de l'Association d'amitié Baek-Tusan Tché-Corée, du Comité national d'études du kimilsonisme Kim Jong-ilisme du Nigéria, et du Comité national d'études des études du Tché du Congo démocratique, ont présenté que le dirigeant suprême coréen s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 4e conférence des secrétaires exemplaires des organisations de base de l'Union de la jeunesse de l'armée populaire de Corée. Le journal laotien Bien Tianmai, les radios nationales, internationales et en 7 langues nationales de Guinée, le homepage internet russe Irkutsk Blog Spot.ru, et l'homepage internet du Cercle bulgare d'études de kimilsonisme Kim Jong-ilisme ont rapporté son inspection du travail pour les armements nucléaires et la réussite complète à l'essai de la bombe H à charger à la fusée balistique intercontinentale effectuée suivant son ordre par écrit. Les médias ont exposé les photos des dirigeants suprêmes Kim Jong-un.